L'actu radio tous les mercredis sur Fadjet. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. Donc c'est la rentrée à Culturado aussi. Et j'ai avec moi Cluane. Bonjour. Dasha. Bonjour à tous. Et Lina. Salut les fancy people. Et Justine. Hello, hello. Et on a aussi Shiro qui est le correspondant de Justine mais qui ne va pas beaucoup parler aujourd'hui. Je suis contente de t'avoir dans ce plateau aujourd'hui. Aujourd'hui nous vous avons prévu beaucoup de chroniques et aussi une interview d'une élève ukrainienne qui est dans le lycée Jeanne d'Arc à Nancy. Donc on vous a prévu aussi trois musiques. Donc Shutdown de Blackpink. Donc nous aurions aussi Pink Venom de Blackpink. Et dernièrement, nous aurons Goa de Shum, qui est une chanson choisie par Dasha, notre invitée. Donc, c'est la chanson de l'Eurovision 2021, représente qui de l'Ukraine. Donc, voilà pour les choix des musiques. Et en termes de chronique, nous aurions la chronique de Luane. Oui, sur le cinéma, les actus ciné... de cette semaine. D'accord. Nous aurions aussi la chronique de Lina. Oui, la semaine des Awards. Et finalement, Justine va nous parler de... l'actualité. D'accord. Et donc moi, je vous ferai une chronique sur une nouveauté musicale. Donc c'est l'album Born Pink de Blackpink. Avant qu'on commence, est-ce qu'on ne se passerait pas une petite musique avant? Si. D'accord. Du coup, je pense pour honorer notre invité, on va mettre Goa de Shum. Весняночка, весняночка, де ти зимувала? Я садочко на клиночку, сорочечку бряла. Та моля синою з лісі сова пододує. Заспіваю співаночку, нехай вона чує. Заплетися, шуми барвіночком. Я тобі співаю весняночку. Сію, сію, сію, сію, de retour sur Fadjet. Culturado, tous les mercredis sur Fadjet. Il est actuellement 17h05 et vous êtes sur Radio Fadjet Nancy. On est de retour après avoir écouté cet incroyable morceau. Donc, sans plus attendre, on va tout de suite s'attaquer à nos chroniques. Je vais donc t'inviter, Luane, à commencer par la tienne. Oui, donc je vais commencer par ma chronique cinéma, l'actu ciné de la semaine dernière. Donc je vais commencer par le film Une belle course avec Danny Boone et Lynn Renault qui sortait en avant-première. Et donc ça parle de Madeleine qui a 92 ans, qui vit dans une maison de retraite et qui est obligée d'y vivre jusqu'à la fin de sa vie. Et en fait, un jour, elle appelle un taxi et c'est un chauffeur assez désabusé qui va, en fait, elle va décider de l'emmener un peu partout dans Paris pour voir les lieux cultes un peu de sa vie. Et en fait, elle va lui raconter son passé, il va être hyper touché par son histoire. Donc, c'est pour la première. Ouais, okay, et le super. Film dure 1h31. D'accord. Ensuite, il y a Avatar, qui est en tête d'affiche quand même, parce que c'est la version remasterisée. Donc, après 12 ans quand même d'absence, ils l'ont fait pour un meilleur son et une meilleure image. Et donc, le film dure toujours 2h41. Il y a aussi Les Enfants des Autres, avec Virginie Efira, qui dure 1h44. En fait, c'est l'histoire de Rachel qui a 40 ans. Bah, elle n'a pas d'enfant. Et puis, en fait, elle rencontre un homme qui s'appelle Ali. Et en fait, elle va vraiment beaucoup s'attacher à sa fille, Leïla, de 4 ans. D'accord. Et sauf que, en fait, d'où le titre, Les Enfants des Autres, elle va un peu se l'approprier. Elle va faire un peu le rôle de mère avec elle. Sauf que ça rapporte souvent des problèmes. Ok. Il y a aussi un dessin animé qui s'appelle Chaotique, qui dure 1h32. C'est un dessin animé un peu aventurier, familial, vraiment sympa. Donc ça se passe au cœur d'une forêt tropicale un peu cachée de tout en Amérique du Sud, en Amérique latine, voilà. Où il y a trois amis qui vont décider de sauver leur forêt d'un terrible danger. Et enfin, il y a Don't Worry Darling avec Harry Styles et Olivia Wilde, qui est aussi la réalisatrice. Donc, ça parle d'une ville un peu cachée. C'est quelque chose d'assez mystérieux, parce que même la bande-annonce est assez mystérieuse. Et ils en disent pas beaucoup sur le film, donc c'est très intéressant et ça parle un peu... On sait pas trop si ça parle de... C'est une secte ou un truc comme ça, une entreprise en fait, au sein d'une entreprise qui a des airs un peu de secte. Et il va se passer des choses assez étranges à la femme d'un des salariés et j'en dis pas plus. D'accord, je vois. En tout cas, tu nous as bien mis l'eau à la bouche pour ces films. On a envie de les voir. Si je peux vous demander, vous, les autres chroniqueurs, lequel auriez-vous... le plus aimé voir, par exemple Moi, je dirais entre Don't Worry Darling, que je vais parler tout à l'heure, et aussi le dessin animé que tu m'as parlé, Chaotique, ouais. Qui a l'air incroyable. Et j'adore les dessins animés. En plus, c'est un peu un dessin animé révolutionnaire pour un peu sensibiliser les enfants. Du coup, je trouve ça intéressant. Ouais, c'est important aussi de passer un message pédagogique un peu oui, pour je les vois, enfants. Tout à fait. Ok, merci beaucoup pour ta chronique. On va passer à celle de Lina. D'accord. Donc, moi, je vais vous parler des awards qui ont eu depuis la rentrée. Parce qu'on peut voir que depuis la rentrée, il y a eu beaucoup d'awards qui se sont enchaînés. Y compris les VMAs, les awards des musiques vidéo de la chaîne MTV, qui ont eu lieu le 29 août dernier dans le New Jersey et qui a bien sûr réuni plein de célébrités. On a pu voir Jack Harlow qui a présenté entre guillemets la cérémonie. On a vu Lil Nas X, Nicki Minaj qui a parrainé la cérémonie. Ah ouais. Et elle était incroyable. Mais oui. On a vu aussi Blackpink d'ailleurs qui a pour la première fois interprété sa nouvelle chanson Black Venom dans l'international. Quand on va vous passer tout à l'heure. Oui. Bien sûr. Et du coup, il y a eu de nombreux prix. D'ailleurs, Blackpink aussi a eu son prix. Nous avons eu plein de nouveaux groupes musicaux K-pop, comme Seventeen. Ok. Nous avons eu ici la nouvelle apparition de l'année, Dov Cameron, que j'apprécie beaucoup avec son tube Boyfriend. Oui. C'était incroyable. Nous avons eu ici... Jack Harlow, Lil Nas X, plein de... même Taylor Swift avec son nouveau clip qui a fait... Elle a annoncé aussi un album dans les MTV. Oui. Elle a annoncé son album Midnight. Oui, et ça fait beaucoup de bruit avec des robes incroyables. Oui. Sur le tapis rouge, nous avons même pu voir la chanteuse célèbre, la jeune chanteuse Tate McRae, qui était sublime et qui a présenté le tapis rouge. C'était vraiment incroyable. Maintenant, nous allons passer au Festival de Venise, qui s'est passé juste après, en Italie. Et nous avons eu aussi plein de stars internationales, françaises. D'ailleurs, nous avons eu les cinéastes français Alice Diop, qui a gagné un prix pour son film Saint-Omer. Nous avons eu aussi Cate Blanchett, qui a été encore primée pour le prix de la meilleure actrice. Vraiment, je la félicite. Et nous avons eu aussi sur le tapis rouge Harry Styles et Florence Pugh, avec un style incroyable pour leur film Don't Worry Darling, qui est incroyable comme Louane l'a dit. Et aussi, nous avons vu Timothée Chalamet, ton petit crush, avec une tenue rouge très originale. Okay. Il n'avait pas fait d'apparition sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Et il a juste annoncé il n'y a pas longtemps pour son nouveau film du cannibalisme. Il n'y a pas encore de titre, mais bon, nous l'attendons avec impatience. Là, maintenant, nous allons passer aux Emmy Awards. Alors, je vais y aller brefement pour les Emmy Awards. Nous avons eu des prix, surtout pour Zendaya, pour l'actrice la plus dramatique dans Euphoria. Vraiment un gros phénomène. Elle super était bonne série. Ouais, super bien. Ils ont eu 6 nominations aux Emmy Awards. C'était vraiment très bien. Nous avons eu aussi un Emmy pour la série Disney Abbott Elementary, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une série qui parle un peu. Bon, je n'ai pas trop regardé, mais j'ai vu que la série avait été primée aux Emmy Awards. Et enfin, nous avons eu la chanteuse Selena Gomez, qui a été primée pour son film, dont elle est productrice d'ailleurs, Only Murders in the Building. Okay. Très bon film aussi, très bonne série qui a sorti sa saison 2 il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Du coup, voilà, c'était fini pour ma rubrique Semaine des Awards. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Lina. Merci. C'est sûr que c'est intéressant. Ça m'a interpellée quand tu as parlé de la série Euphoria. Oui. Parce que c'est une série qui a reçu beaucoup de critiques au début, mais qui en fait parle assez bien de ce qui concerne les jeunes de nos jours. Malheureusement, certaines choses pas très simples à traiter au quotidien. Un peu sombre. Sombre. Ouais. J'avais vu que Zendaya, d'ailleurs, avait été critiquée. Parce que du coup, des gens disaient un peu que la série montrait un peu le côté glamour de prendre la drogue, du coup. Mais moi, je trouve que c'est juste un côté glamour, mais dans les autres. Dans le côté, on peut voir les conséquences tragiques que peut faire la drogue. Du coup, je trouve que c'est vraiment la série que les ados devraient regarder. Une bonne série. D'accord, merci beaucoup pour ta chronique, Lina. Comme tu l'as annoncé, Blackpink a sorti sa nouvelle chanson Pink Venom, qu'on va écouter tout de suite. Look what Culture Ado, tous les mercredis sur Fadjet. Il est 17h09 et vous êtes de retour à Radio Fadjet. Nous allons sans plus attendre passer du coup à ma chronique qui est qui parle de la sortie musicale de Blackpink. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la sortie musicale de leur nouvel album Born Pink qui est sorti le 16 septembre et c'est The Album of the Year qui était attendu par les fans de K-pop car le groupe n'avait pas fait de chansons ni de retour depuis 2020. Alors, il faut savoir que l'album a dépassé les 1 million de copies vendues en un jour et c'est un record par rapport à la précédente sortie, 550 000, donc d'albums vendus en 2020. Et en parlant de records et de réussite, Born Pink cumule déjà plus de 300 millions de streams sur Spotify et c'est l'album numéro 1 au Royaume-Uni, numéro 1 aux US dans les iTunes Charts. Et l'album donc comprend 8 chansons. Donc, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, je vais toutes les lister. Donc, c'est Pink Venom qu'on vient d'écouter, Shutdown, Type of Girl, The Happiest Girl, Ready for Love, Tally, Yeah Yeah et Hard to Love. J'ai écouté cet album qui est d'ailleurs assez court et qui ne dure que 28 minutes. Et très honnêtement, les titres des chansons ainsi que les mélodies sont plutôt commerciales. Les chanteuses profitent de cette longue absence pour flex plus que jamais sur les paroles et sur leur possession, sur leur record. Mais on peut totalement les comprendre parce que le groupe qui a été fondé en 2016 est encore le premier dans le K-pop féminin. Et malgré le fait que j'ai trouvé les mélodies assez génériques, j'ai en revanche aimé les paroles car on trouve de tout. Des morceaux puissants et motivants comme Shutdown et Pink Venom et aussi des ballades romantiques comme The Happiest Girl et Hard to Love. Donc je mettrai la note de 8 sur 10 à cet album car il est génial, mais pour une préparation de 2 ans, on s'attendait quand même à un peu plus de nouveautés et de chansons dans l'album en lui-même. Je suis d'accord avec toi. Sérieux ? Oui. Toi, t'as aimé quoi, par exemple ? J'ai bien aimé Pink Venom, mais j'avoue que j'ai été un petit peu déçue du comeback parce qu'on l'attendait quand même, oui, depuis 2 ans. Surtout qu'on nous narguait un peu, l'agence nous narguait un peu avec la sortie d'un nouvel album. On va peut-être en sortir un, on va peut-être pas, voilà. Oui, c'est assez indécisif. Oui, et puis, il y a eu beaucoup de leaks qui ont un peu enlevé leur charme à l'album. Ouais. Enfin, certaines chansons, on les connaissait déjà depuis 2 ans. Parce que c'était fait leak il y a longtemps, donc elles avaient été distribuées illégalement. Mais sinon, c'était du coup Pink Venom, comme tu l'as dit, c'était bien, je trouve. Mais ça ressemblait un peu à How You Like That et tout ce qu'elles ont fait un peu avant, avec ces mélodies un peu orientales que seules elles font sur ce marché. Donc voilà, on s'attendait quand même à un peu mieux, mais moi, je suis quand même satisfaite. Je sais moi pas pour aussi. Toi. Voilà. C'était un très bon album que je recommande vivement. Et c'était un très bon travail aussi. Oui, oui, c'est vrai. Les filles, elles ont fait beaucoup de travail. Oui. Voilà. 17h, 17h30, Culture Ado sur Fadjet. Et donc, sans plus attendre, on va passer à l'interview de Dasha. Je te laisse brièvement te présenter. Alors, je m'appelle Dasha. Je suis venue en France en avril 2022 à cause de la guerre. Et donc, maintenant, je fais mes études au lycée Jeanne d'Arc à Nancy. Et avec Yoni, on a commencé à parler de tout début. Il m'a dit « Ah, salut Dasha, ça va ? Est-ce que ça se passe bien ?» Tout ça. Oui. Donc, il a été super gentil avec moi. Bon, et je suis contente d'être ici. Merci beaucoup. Mais de rien, merci d'être venue. Donc, Dasha, pour ton interview, mes trois chroniqueuses et moi-même avons préparé quelques questions pour toi. On va peut-être commencer par ta question, Justine. Oui, effectivement. Alors moi, je me posais la question par rapport à ton voyage. Est-ce qu'il a été difficile et dans quelles conditions le fait de fuir aussi rapidement un pays ? Bon, c'était pas facile en vrai parce que avril c'était comme le pic, on peut dire, parce que il y avait beaucoup de bombardements sur le centre de l'Ukraine, la capitale de Kiev, et ma ville elle se trouve pas trop loin de là-bas, et donc ça a pris 5 jours à quitter l'Ukraine. Parce que on a dû rester quelque temps dans les villes différentes. Et donc après, juste le jour avant notre départ, il y avait les bus avec les gens civils qui ont voulu quitter l'Ukraine, je ne sais pas. Ils ont été tirés par les Russes parce que c'était les civils. Ils ont voulu être en sécurité et tout ça. Et donc ma mère, elle a eu vraiment peur, mais après, c'était le bon choix, je crois. Oui. Ok. Luan, tu avais aussi une question. Oui, je voulais savoir si tu avais des frères ou sœurs, oui. qui étudiaient en France comme toi, là au lycée Jeanne d'Arc à Nancy. Ou dans d'autres peut-être. Oui, ou dans d'autres. Oui. J'ai un petit frère, c'est pas en lycée, il est à l'école maternelle. Ah, je sais pas, c'est l'école primaire, je crois, CM2. Oui, c'est l'école. Voilà. C'est ça. Et donc, il fait ses études-là, mais c'est un peu plus compliqué, je crois. Parce qu'il n'a pas appris le français. Moi, j'apprends le français depuis 9 ans déjà. Et lui, il a commencé en avril quand on est venu ici. Et donc, c'est un peu compliqué. D'accord. Et la maîtresse, elle est « Ah, Gleb, tu dois essayer un peu, tout ça. » Voilà. D'accord. Et ça se passe bien pour lui, l'école ? Ça va, il aime bien jouer avec les amis, tout ça. D'accord. Mais pas les études. Ok. Et toi, Lina, aussi, tu avais une question ? Moi, je voulais te demander le système scolaire, comment ça se passe en Ukraine ? Parce que je pense que tu m'avais déjà parlé. Et je voulais te demander aussi, est-ce que tu préfères celui de France ou bien tu trouves celui d'Ukraine plus facile ? Voilà. Je ne sais pas si c'est possible. C'est possible de comparer parce que c'est complètement différent. En général, en Ukraine, on ne fait pas les études après-midi. Donc, je viens à l'école à 8h, après je quitte vers 14h. 15h, c'est ouf, c'est déjà... j'ai beaucoup de leçons, tout ça. Donc, mais je ne mange pas à l'école, donc je n'ai pas de midi là-bas. Je rentre chez moi, je mange là, calmement, tout ça. Mais ici, c'est cool parce qu'on peut passer plus de temps, je crois, dans l'ambiance de lycée. Je pense que je préfère celui-là en France. Mais c'est pas pratique avec si tu veux faire du sport ou de la musique, c'est le soir à 18h, 19h, c'est pas possible. Je vois. Et moi, j'aurais une dernière question pour toi. Comment s'est passée ton intégration ? Est-ce que tu penses que tu as été bien accueillie par les élèves français ou aussi en général en France ? Avant, quand la guerre n'a pas commencé encore, j'ai voulu terminer mes études en Ukraine et venir ici pour l'université parce que j'ai appris le français et j'ai pensé que ce serait bien. Mais maintenant, ça s'est passé comme ça et donc j'ai la possibilité de faire les études ici. Et grâce à Yoni, vraiment, merci beaucoup. C'était trop gentil parce que tu as posé beaucoup de questions. Tu as dit oui, Dasha, tu vas réussir, tout ça. Donc c'était vraiment, ça m'a aidé beaucoup. Et les gens en France, ils sont hyper gentils. C'est vraiment, j'adore ce pays et les gens, même aujourd'hui, je suis venue ici et tout le monde est « Ah oui, salut, comment ça va ?» Oui. Bon, vraiment, l'intégration, ça va. Je suis super contente pour toi et on est tous très contents de t'avoir eu parmi nous aujourd'hui. On te remercie beaucoup pour ton interview et sans plus attendre, on va passer à notre musique pour conclure par la chronique de Justine. Freeze on my side, shut it down. What? Catch me when you hit my Lamborghini, go vroom, vroom, vroom, vroom. When we pull up, you know it's a shutdown. 간판 내리고 문 잠고 shutdown. Whip it, whip it, whip it, whip it. Whip it, whip it, whip it, whip it. It's black and it's pink once the sun down. When we pull up, you know it's a shutdown. 간판 내리고 문 잠고 shutdown. Shut it down. Culture Ado, tous les mercredis sur Fadjet. 17h28 sur Radio Fadjet et on va tout de suite passer à la chronique de Justine. En effet, petit point actualité, en commençant par Nancy, puisque Nancy passe enfin le cap et piétonnise une partie du centre-ville, donc au niveau de Porte de la Craffe, Grand Rue, Place Vaudémont, Place Stanislas, Rue Gambetta et Rue des Dominicains. S'ensuit aussi la rue du Pont-Moujat et une partie de la rue Saint-Nicolas. Ces rues donneront désormais priorité aux piétons à partir de 14h tous les jours. Et au niveau international, le président russe a signé ce mercredi un décret qui s'adresse aux réservistes pour intégrer l'opération spéciale en Ukraine. Et il a aussi répété que la Russie utiliserait toutes les armes nécessaires pour défendre ses intérêts. Donc l'annonce d'ailleurs de Vladimir Poutine d'une mobilisation partielle pour renforcer ses troupes en Ukraine a entraîné une ruée sur les sites internet des compagnies aériennes pour tenter de quitter la Russie au plus vite. Et en réponse, le président de l'Ukraine, Zelensky, a dit ne pas croire à l'utilisation d'armes nucléaires par Moscou. Donc l'utiliseront ou pas l'arme nucléaire, on ne sait pas. Donc je te remercie Justine sur ce... point d'actualité. Sans plus attendre, nous allons nous quitter parce que c'est bientôt l'heure de partir. Nous vous remercions beaucoup d'avoir écouté notre émission. On se retrouve la semaine prochaine et on vous fait de gros bisous.